7e de la semaine de les nouveaux enregistrements européens. Voilà, pour cette reprise, au bout de 7 mois d'arrêt de l'émission, on va faire une émission spéciale. Alors, il y aura plusieurs émissions sur le mois de décembre pour rattraper un petit peu le temps un peu perdu. Trois émissions, j'en parlerai au fil de l'émission. Alors, pour commencer, une spéciale un peu historique, on va dire, liée à la musique industrielle et au bruitisme. Alors, j'en avais déjà parlé lors d'une émission, qu'il y aurait une spéciale consacrée à cette musique. Et donc, on va passer au travers en fait de l'histoire de la musique industrielle, on va passer un certain nombre de productions, de groupes, d'artistes, etc. Qui ont représenté en fait à partir des années 80, fin des années 70, la musique, la frange, qu'on appelle la frange des musiques industrielles et bruitistes. Alors voilà, on va commencer tout de suite par un groupe français, Terre Obscure, et j'en parle juste après. Gemalt. Alle Kinder sind allein. Alle Eltern in der zerbombten Stadt. Sie begegnen sich dem Assistent. Yeah. Voilà pour le titre du groupe Clair Obscur by Kinder Sync Island. Alors, c'est un groupe français. Qu'est-ce qu'on peut dire de Clair Obscur? Alors, Clair Obscur, ils sont nés dans l'Oise et en fait, ils ont fait partie de la scène française Cold Wave des années 80 et 90, mais ils ont été déclarés comme inclassables. Alors, c'est une sorte de composante de musique, d'avant-garde industrielle et de la musique pour orchestre de chambre ou de la chanson pop rock. Alors, comme quoi, il y a un gros mélange. Ils ont quand même fait des choses extrêmement intéressantes. Il faut savoir que l'album The Building Progress a été un album très reconnu dans le milieu. Il faut aussi savoir que le groupe s'est produit dans des théâtres, dans des écoles de beaux-arts et associe en fait musique et performance visuelle. Voilà, donc ils ont apporté une grosse pierre à l'édifice en ce qui concerne la musique industrielle ou la musique pop industrielle. Voilà pour le groupe Clair Obscur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la musique industrielle? En fait, elle est née suite à la réalisation d'un artiste, Lorid. Alors, Lorid était un des leaders, chanteurs du groupe Velvet Underground. Et il faut savoir qu'en fait, les premières musiques industrielles sont nées à partir d'une production qui s'appelle Metal Music Machine, donc de Lorid. Et sous l'influence du manifeste brutiste de Rousseau. Voilà, ça a commencé comme ça dans les années 70, entre 76 et 77, on était à l'époque du punk. Et la musique industrielle se veut en fait, contrairement au nouveau futur de la musique punk, la musique industrielle c'est plutôt tuon tous les hippies. Voilà, c'est comme ça que ça a été proposé au départ dans les années fin 70. Et cette musique a ensuite eu divers variantes, diverses tendances, des tendances alors, plus martiales, plus bruitistes et idéologiques. Voilà. Donc, pour commencer un peu l'historique de cette musique, elles peuvent s'inspirer de William Burroughs, de William Gissing, de différents auteurs. Et d'artistes aussi, etc. Alors, on reviendra un petit peu sur la musique industrielle et puis ses origines. On va tout de suite s'écouter Traveling Wilstall. Alors, Traveling Wilstall, c'est vraiment un groupe phare de la musique bruitiste industrielle, mais ils sont passés aussi par le pop rock, etc., etc. Ils ont aussi vraiment collaboré à pas mal de productions de type bruitiste. Voilà, tout de suite, Tobin Bristol avec un petit Separative. Thank you. Voilà pour le titre de Probing Whistle Super Acid. Alors, Probing Whistle, il faut le savoir, Whistle, excusez-moi, est à l'origine, est reconnu pratiquement comme le pionnier de la musique industrielle et bruitiste. Il faut savoir qu'en fait, ça a été conceptualisé comme un genre hybride entre musique électronique, l'avant-garde rock et l'expérimentation sonore, notamment par un de ses labels à l'époque qui s'appelait Industrial Records. Alors, Tobin Bristol, il faut savoir qu'en fait, pratiquement tous ses membres à l'époque étaient quand même des membres extrêmement prolifiques. On trouve Chris Carter et Peter Christopherson, qui en fait, en particulier pour Peter Christopherson, va être à l'origine du groupe Coil, donc du groupe industriel. Mais la figure emblématique de Tobin Bristol, c'est bien sûr Genesis E. Oig. Alors, qui est chanteur, créateur, etc., artiste, et qui formera ensuite, par la suite, après la séparation du groupe, Psychic TV, un groupe qui a aussi marqué son temps dans différents domaines, puisqu'ils ont exploré en fait différents domaines, que ce soit du rock, que ce soit de la musique industrielle, bruitiste, musique instrumentale, etc. Donc, les premières périodes de Tobin Whistle en fait s'inspirent, surtout au début de ses lives, d'utiliser des images troublantes telles que des vidéos pornographiques mêlées à des clichés de camps de concentration nazis. Ce qui lui conféra d'ailleurs une réputation assez sordide dans le milieu. Le groupe en fait justifiait l'emploi de ces iconographies, non pas par une adhésion aux idéologies totalitaires, que ses membres en fin de compte rejetaient, mais par la mission qu'il s'était donné d'explorer des facettes les plus sombres et irraisonnées de l'âme humaine. Voilà, sur plan sonore, on trouvera aussi des choses assez étonnantes comme l'utilisation des infrasons, dont le but de mettre le public mal à l'aise et de susciter des réactions parfois violentes. Donc c'est vraiment extrêmement recherché, voilà, pour Tobin Whistle, qui ont été quand même, qui ont marqué véritablement la musique industrielle et les expérimentations bruitistes. Voilà, on va passer tout de suite à Vivenza avec Éléments mécaniques. Donc là, nous allons rentrer dans le domaine du bruitisme. Thank you. заснул. Всем дано безум словать. Город жив прорезан во плюме торжества проститутки, над зубью пляшущие людей. Меж пар кружащихся звеня, трамвай мечут молнии синие, синие знопы автомобили на стене отдыхающих завод. Лихорадка, милый друг, лихорадка бить меня. Alors, avant, c'était Vivenza. Alors, Vivenza, c'est un artiste qui en fait, quelque part, est théoricien du bouddhisme futuriste. Il faut savoir quand même qu'il est essayiste, musicologue et philosophe. Oui, effectivement. Donc Vivenza a théorisé, comme je disais, le bouddhisme, ce qu'on appelle le bouddhisme original et futuriste. Et en fait, sur des thèmes particulièrement en lien avec le futurisme italien et le constructivisme russe. Voilà, donc il avait fondé en 1983 le Institut, qui est un institut de recherche en musicologie. Et donc, il s'inspirait énormément de écrivains comme Heidegger, comme Nietzsche, etc. Et il faut savoir qu'en tant qu'artiste, il a créé donc des machines, tout à l'heure, donc le titre c'était éléments mécaniques, et éléments mécaniques en fait est une conception à base de machines qu'il a fait fabriquer et qui sont aujourd'hui exposées dans les musées du monde entier. Donc des machines en fait, différentes machines qui produisent en fait des sons, des bruits rythmés. Voilà. Pour ce qui est de Vivenza, il y aura pas mal de choses à dire encore sur lui parce que c'est quand même assez énorme. Mais on va passer maintenant à autre chose. Alors juste après, j'ai oublié, c'était Complot Brunswick, le groupe français Complot Brunswick. Alors c'est un groupe que j'ai intégré en fait dans la playlist, même s'ils ont été pendant qualifiés de cool wave. Ils ont quand même travaillé quand même sur des sons assez bruitistes, hein, assez post-industriels en ce qui concerne l'album Mayakovsky, qui est consacré en fait au poète Mayakovsky. Et ce groupe a donc s'est beaucoup produit à l'époque des années 80, c'était en particulier le Transmusical Brain. Donc voilà pourquoi j'ai intégré ce titre qui finit en fait quelque part par des sons post-bruitistes. Donc voilà en ce qui concerne Complot Brunswick, qui a pas mal de productions quand même à leur actif. Alors ce titre est quand même assez vieux, mais le groupe en tout cas a été extrêmement prolifique à une certaine époque. Voilà. Alors, on va passer tout de suite un groupe qui a marqué son temps dans le domaine de la musique indus et bruitiste, c'est Cabaret Voltaire, avec un titre On Every Other Street. It's bound. situations. Conscious vibrations. Undetermined images, flickering heat. Hustlers are visible, parts not so clear. Make a stand, fight such fear. Cabaret Voltaire, alors c'est pareil, d'un point de vue historique, Cabaret Voltaire a vraiment mis la pierre à l'édifice sur le thème des musiques industrielles et artistes. Il s'inspire en fait dans l'inspiration des groupes comme Tobin Pistol, SPK, etc., Nun et Club Delia. Et en fait, le groupe intellectualise à travers ce qu'ils ont inventé, en fait, le primitif urbain. Et donc, va conceptualiser ces réflexions intellectuelles sur l'aspect primitif des zones urbaines. Le groupe va vraiment véritablement marquer son temps et va passer en fait par différentes tendances, alors des tendances industrielles, post-industrielles, etc. et électro en particulier. En fait, il va y avoir en fait plusieurs ères, une ère industrielle, électro-pop, électro, etc. Et en fait, ils vont explorer diverses tendances tout simplement musicales, toujours un petit peu en décalage avec ce qui se fait habituellement dans les tendances. Donc c'est extrêmement intéressant au point de vue de Cabaret Voltaire et ça s'inscrit en fait quelque part, le groupe s'inscrit dans une fascination en fait pour le Camera Silence. Alors Camera Silence c'est issu en fait d'une expérience de Bader, en fait c'est le terroriste s'enfermer dans une pièce vide de son, de lumière et de mouvement pour devenir complètement fou. Comment que ça se présente un petit peu, surtout sur la période entre 1975 et 1982. Voilà pour Cabaret Voltaire. Alors, on va repasser un petit titre de Couteau Grosse Pique, le groupe français, qui s'appelle La Nature Humaine. désert. Et l'école publique. Et des cours ont été. Et je crois. Les examens sont épreuves que l'on fait subir à un enfant pour la première fois dans l'école publique. Aurez-vous l'esprit des éditeurs et des arts ou du père? Okay, Chance. Befinden sich mit Türen, die für den Rettungsbrei oder besser gesagt in den Grundstein. Der kann warten, wer will, um 12 Kopf Beton, Grundstein Lego. Grundstein Lego, Lüge, Lüge, Lüge. Gedankengelles sind gestrichen in Kopf, nur Raum, in Farm, Karton, Violett zur besseren Orientierung. Dachgeschoss, es hat einen Schaden im Dach, schon sitzt ein alter Mann auf dem Boden, tote Engel verstreut. Zwischen den Kielen hält er ein Gewehr, er zielt auf seinen Mund. In den Schädel, durch den Schädel und aus dem Schädel heraus in den Dampf dringt das Geschoss. Gott hat sich erschossen, ein Dachgeschoss wird ausgebaut. Gott hat sich erschossen, ein Dachgeschoss wird ausgebaut. Gott hat sich erschossen, ein Dachgeschoss wird ausgebaut. Gott hat sich erschossen, ein Dachgeschoss wird ausgebaut. Gott hat sich erschossen, ein Dachgeschoss wird ausgebaut. Gott hat sich erschossen, ein Dachgeschoss wird ausgebaut. C'était Erzunem Liboten. Alors, ce groupe a marqué, avec sa grosse influence, je dirais, la musique industrielle. Il faut savoir qu'en fait, ils ont composé en partie une musique expérimentale à tendance brutiste et industrielle. Et ses membres successifs appartiennent en fait à une scène en Allemagne, principalement, je disais, qui s'appelle les Dilettantes Géniaux. Voilà. Pour Erzunem Liboten, alors il y a quand même deux anecdotes, enfin deux petites informations, c'est qu'en fait le leader d'Erzunem Liboten a été guitariste de l'artiste Nick Cave and the Bad Seeds. Et en fait, c'était son guitariste attitré. Autre anecdote, et d'ailleurs pas des membres, ça concerne tout simplement le nom du groupe. En fait, Erzunem Liboten, ça veut dire les nouvelles constructions sont croulantes ou les nouveaux immeubles s'effondrent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 21 mai 1980, lors d'une conférence, tout simplement qu'il y a eu en fait des toits qui se sont écroulés sur des gens lors d'une salle des congrès. Et pourtant le groupe s'appelait avant l'accident avait déjà sonné. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que ça a fait beaucoup parler d'eux, parce que justement ils étaient présents le jour de l'effondrement de cet immeuble. Du coup il y a eu une grosse attention médiatique sur ce groupe. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire aussi qu'Erzunem Liboten, on peut savoir qu'au départ ils avaient très peu de moyens, donc ils ont utilisé tout simplement des scies circulaires, des scies à métaux, des perceuses, des tôles ou des marteaux-piqueurs. En fait, ils faisaient des prises de son, d'outils différents, d'outils industriels, d'outils de chantier, pour pouvoir composer leur titre. Voilà pour l'histoire d'Erzunem Liboten. On va passer tout de suite maintenant à Tolkien Whistle avec What Do You Deal? Thank you. Voilà pour le titre de Cabaret Voltaire. Juste après Throbbing Gristle, c'était le titre Expect No Things. Voilà, alors on va passer à une autre, un autre aspect aussi de la musique industrielle, une autre époque. Même si on ne va pas passer directement par l'électro, parce que je vais vous parler justement par l'électro d'une autre émission qui va être diffusée. C'est une émission sur l'EBM. J'en l'avais promis il y a maintenant un petit moment de cela. Et c'est l'électro Bodies Music. Et on reviendra un peu comme sur le thème de l'émission aujourd'hui. Sur l'origine en fait de l'électro Bodies Music en Europe, en particulier à partir de la Belgique, avec des groupes Front 242, Neon Bugement, etc., etc. Donc on repassera un petit peu aussi sur cet aspect historique. Voilà, on passe à une nouvelle génération, puisque il y a eu Tobin Bristol, là on en a parlé tout à l'heure de Pierre. Et en fait, va naître en fait d'autres groupes comme et artistes comme Lydia, l'artiste performeuse de Lydia Lunch, Swans, Virgin Prunes, Bessin June aussi, Coil, puisque tout à l'heure on a passé du Coil. Et il faut savoir qu'en fait toutes ces générations vont être inspirées entre rock et acier et vont rester assez fidèles au personnage de Jim Jones. Alors je ne sais pas si vous savez qui était Jim Jones, mais en fait c'était responsable du suicide collectif de centaines de personnes en Guyane. Et en fait, toutes ces tendances musique industrielle post-bautiste va être assez fascinée par Charles Manson. Alors c'est le commanditaire de l'assassinat des amis de Roman Polanski. Et c'est en fait une tendance qui va naître dans les années 90, enfin fin 80 et 90, où en fait se lève violence, pornographie, marginalisation, etc. Et en fait, tout ça va se confronter dans une alchimie assez macabre, où on retrouve aussi quelque part quelques écrivains comme Jean Genet, Mishima, etc., etc. Voilà donc toute cette nouvelle tente. Et justement, on va passer du Bessin June qui, sur le coup, va plutôt là s'orienter avec l'album The World Van Summer, c'est-à-dire le deuxième disque faisant partie en fait d'un double album. Qui s'y trouve et ça s'appelle Death of a Main. Voilà, c'est tout un programme, rien que le titre. Voilà, je vous laisse donc écouter ce titre qu'on peut appeler de brutiste du groupe Bessin June. and despair. Death whispered on angels' frozen breath. Borne down by hoary winds. A butcher's kiss, a butcher's caress. Where our shadow falls in tears, time turns voices into stone. Where our shadow falls in tears, time turns voices into stone. Voilà pour le titre de Kissing June. Alors ça peut paraître un petit peu étonnant de la part de Kissing June, parce qu'on en passe assez souvent dans les émissions Last Band of Land, les nouveaux enregistrements européens, et ils sont, comme vous l'avez dit récemment, ce sont quand même tout de même les chantres de la Battle and the Folk, et là on passe quand même sur un titre extrêmement mêlé en fait, un peu une disque industrielle et brutiste. Voilà pour le titre de Dessin Dune. Alors, je veux parler de nouvelles émissions. Donc, les prochaines, il y aura donc une émission consacrée à l'EBM et une autre émission. Ce sera les nouveautés. Parce que, en fait, tout au fil des émissions, il y a eu pas mal de productions, de groupes, etc., dans divers domaines des musiques dites underground. Et. Par moment, comme j'ai reçu pas mal de messages en déclinant que les titres passés, les productions passées étaient par moment un peu vieilles. Alors, plus ou moins. Et en fait, pour la fin de l'année, puisque nous sommes au mois de décembre 2019, je vais faire une émission spéciale avec des groupes industriels, néo-folk, dark folk, néoclassical, un martial industriel de l'année 2017, 2018 et 2019. Donc ce sera que du récent et ça sera une grande émission pour clôturer la fin de l'année. Voilà pour la petite surprise. Donc je prépare la playlist actuellement. Et bien sûr, cela fera suite à la prochaine, donc pour le BM, Electro Bodies Music. Voilà, on va passer tout de suite sur un titre, Bad Boy. Alors, le groupe Boy, c'est simple, c'est qu'en fait, ce groupe, on parlait de Dessin Dune, on va faire le lien, puisqu'il faut savoir que le groupe Coil était composé de John Balance et de Peter Christopherson. On en a parlé tout à l'heure, c'était tout simplement T-Ship TV et Bobby Winstall. Et en particulier John Balance, qui fut l'un des premiers membres du groupe Dessin Dune. Comme quoi, tout est lié, je dirais. Voilà. Alors Coil, c'est plutôt dans la frange musique industrielle expérimentale, mais il faut savoir aussi qu'ils sont passés par le bruitisme, l'ambiance, le feu ou la musique minimaliste. Voilà pour le groupe Coil. On va passer tout de suite donc le titre des Halliwell Abhors. Voilà. Thank you. Alors, ce titre est en fait, le Psyché TV est en fait un hommage à Syd Barrett, qui était co-fondateur des Pink Floyd jusqu'à son éviction en 1968. Donc, le titre c'était A Star Too Far. Donc voilà, autre anecdote concernant Syd Barrett, c'est qu'il a participé à quelques créations expérimentales lors de sa carrière solo. Voilà, c'était donc l'avant-dernier titre de cette émission. J'espère que cela vous a plu, cette exploration dans les musiques véritablement industrielles et les créations brutistes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur la musique industrielle, en fait sur l'origine quelque part de la musique industrielle. Il faut savoir qu'ensuite elle a dérivé sur les musiques, elle s'est transformée, modifiée à travers la musique électro. Ensuite, on y a imposé des rythmes plus martiaux. C'est pour ça que de temps en temps, ou du moins, je dirais assez souvent, on passe du martial industriel, martial néoclassique. En fait, tout ça vient quelque part de la musique industrielle. Et a fait en sorte de créer un univers souterrain, un univers underground qui a construit une subculture qui a apporté des éléments importants à la musique. Voilà. Autre chose, dans la musique industrielle, vous l'aurez remarqué à travers certains titres, il y a une fascination pour le pire. Ça, ce qu'on trouve aussi beaucoup dans la musique industrielle, c'est aussi cette fascination pour l'esthétisme. Voilà, tout ce qu'on peut dire en fait sur la musique industrielle et l'art brutiste. On va terminer avec Clair Obscur. On avait commencé avec le groupe français Clair Obscur. Eh bien, on va terminer avec Clair Obscur. Je vous dis à bientôt. La prochaine émission sera consacrée à l'électro-buddhiste musique, donc quelque chose de plus électronique, mais là aussi on fera un historique sur la musique électronique, en particulier l'électro-buddhiste musique. Voilà, on passe maintenant tout de suite donc à l'obscur et donc avec le titre The Last Encounter. One day! Ah! you.